à se changer en roi, à tourner à la lune, à traquer la fortune, tout ça pour traîner tout son poids, au risque de s'y plaire, au moment de s'y croire, sonner les corners, faites donner les victoires, il faudrait qu'on se lève au fond, il y a de la glace, ou alors qu'on prenne la sève. À la faveur d'une éclipse, on voit du jour au lendemain que ça ne s'invente pas instantanément comme ça, reprend des volets d'aussi loin comme elle vient. Encore et encore, comme elle vient. Encore et encore, comme elle vient. Comme encore, cette cruelle est sans force, ça choisit pas merci. Si les jeux sont faits, on sent les mascarades, on pourra toujours se marrer. Et tout le long des couronnaires, on voit des amoureux qui savent encore changer leur air. En un bouquet délicieux, on en aura des saisons, des tours.